إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه ومبعوثه إلى الناس أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة Je suis très heureux de vous retrouver dans cette soirée du samedi 21 Jumad al-Thaniya de l'année 1444 de l'Hégire correspondant au 14 janvier 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette soirée avec nos frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala de la mosquée Abu Darda au Sénégal dans le cadre de ce webinaire francophone, le premier dans cette mosquée, organisé par les responsables de cette mosquée, qu'Allah les récompense. Et les meilleures assises, mes frères, en Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les assises dans lesquelles nous apprenons le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son prophète, alayhi salatu wa salam. Naam, ce sont les assises sur lesquels Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sa miséricorde. Et les assises qui sont assistées par les anges et entourées par les anges, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous la sincérité dans tout ce que nous disons et nous faisons et la conformité à la sunna de notre noble prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous allons commencer directement par l'explication des vers de ce poème de l'imam Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di, rahimahullah, intitulé « Manhajul haqqi fil aqidati wal akhlaq ». Donc, ce poème qui n'a pas été nommé par Cheikh Rahimahullah, il a écrit ce poème composé de 65 vers dans lequel il a parlé des grands fondements de la religion de l'islam. Et le nom, il a été pris du premier vers dans lequel il dit « Faya sa'ilan an manhajil haqqi yabtari » Donc il a parlé dans ce poème des grands fondements de la religion de l'islam, à commencer par l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fondement des fondements. Et ensuite, il a parlé de l'attachement à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, et de la réforme des cœurs et des bonnes mœurs et de la bonne morale et du bon comportement dans nos relations avec autrui. Et ça, en réalité, ces fondements-là représentent les grands fondements du droit chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala, auxquels chaque muslim doit se cramponner. Cheikh Rahimallah a écrit ce poème alors que son âge ne dépassait pas 25 ans. Il avait à peu près 25 ans, rahimahullah. Et comme vous allez le constater, que ce soit dans la partie que nous allons traiter ce soir, bi'idnillah, ou le reste que vous allez voir avec nos frères, qu'Allah les récompense et qu'Allah leur facilite et nous facilite à tous le bien. Donc la première partie, les premiers vers, dans ces premiers vers, il a parlé, rahimahullah, de At-Tawhid, le fondement des fondements, l'unicité d'Allah, qui représente le fondement des fondements, la plus obligatoire de toutes les obligations de l'islam. La bonne action sans laquelle aucune bonne action n'est acceptée. Et ça, c'est à l'instar de la da'wa de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous ses frères parmi les prophètes et messagers. Ils ont tous appelé leur peuple au tawhid, à l'unicité d'Allah, sans exception. Et pour tous, c'était la première chose à laquelle ils ont appelé leur peuple. C'est pour ça, Ahle Sunna wal Jama'a, ils sont caractérisés par ce point, parmi leurs caractéristiques les plus évidentes, c'est qu'ils appellent les gens à l'unicité d'Allah. Et c'est la première chose à laquelle ils les appellent. Et aussi, ils les appellent à l'unicité d'Allah d'une manière détaillée. Car vous pouvez trouver des égarés qui appellent à l'unicité d'Allah, mais d'une manière globale. Et ce qui est profitable pour les gens, pour l'ensemble des gens, c'est de les appeler à l'unicité d'Allah d'une manière détaillée et de leur montrer avec les preuves tirées du livre d'Allah et de la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam, tout ce qui diminue cette unicité ou qu'il annule carrément. Car il ne suffit pas de se dire que tu es musulman pour l'être. Il faut être sur l'unicité d'Allah. Et ça, c'est la signification de la parole de Tawhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah, ce n'est pas une simple parole que nous répétons avec la langue. La ilaha illallah est la parole la plus lourde dans la balance. Et rien ne peut résister à cette parole dans la balance. Et rien ne peut être plus lourd dans la balance que cette parole « La ilaha illallah » pour celui qui rencontre Allah avec l'unicité pure. Avec l'unicité d'Allah pure. Donc je disais que ce n'est pas une simple parole. Et ça, même les kuffars de Quraysh l'ont compris. Car c'était des Arabes purs. Ils comprenaient ce que ça veut dire « La ilaha illallah ». Contrairement à d'autres musulmans qui peuvent dire cette parole et ne pas comprendre tout à fait son sens. C'est pour ça que tu le trouves. Il répète « La ilaha illallah » une centaine de fois, voire 1000 fois par jour et il tombe dans ce qui annule « La ilaha illallah ». Comme a dit un grand savant d'Algérie qui est décédé, rahimahullah, Cheikh Moubarak al-Mili, il a dit dans le sens de sa parole que le commun des musulmans connaissent la gravité de l'associationnisme, de shirk, l'opposé de tawhid, de l'unicité. C'est pour ça, si tu attribues un musulman au shirk, à l'associationnisme, il se fâchera contre toi, il se mettra en colère. Et ça, c'est pas permis de traiter un musulman de shirk. Sauf avec les preuves évidentes. Et en lui clarifiant la vérité avec les preuves tirées du livre d'Allah et la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam. Mais quand tu accuses un musulman d'associationnisme, il se met en colère, il ne l'accepte pas, il se fâche, car il déteste al-shirk, mais d'une manière globale. C'est pour ça tu peux le trouver dans son quotidien, il tombe dans des formes d'associationnisme sans se rendre compte. D'où l'importance que les prêcheurs appellent les gens à l'unicité d'Allah d'une manière détaillée et de les mettre en garde contre les formes d'associationnisme qui peuvent être répandues dans leur société. Parmi ce qui montre l'importance de l'unicité d'Allah et que c'est le début de tous les prêches de tous les prophètes et messagers sans exception, c'est que depuis la descente de Adam alayhi salam du paradis vers la terre et pendant 10 siècles après cela, il n'y a pas eu une seule forme d'associationnisme sur terre. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des prophètes. Il n'a pas envoyé de messagers. Et le premier messager qui a été envoyé aux gens de la terre, c'est Nuh alayhi salam. Il a été envoyé après l'apparition de la première forme d'associationnisme sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le premier messager. Et depuis que cet associationnisme s'est produit, il n'a cessé jusqu'à notre époque. Il ne cessera jusqu'à la fin des temps. Et ça vous montre la gravité de l'associationnisme et qu'il ne faut pas le prendre à la légère. Alhamdulillah, on est des muslimines, mais il ne faut jamais se croire à l'abri. C'est pour ça, le prophète alayhi salatu wassalam, comme on a vu, la première chose à laquelle il a appelé son peuple, c'est l'unicité d'Allah. Il est resté dans cette da'wah de l'unicité d'Allah pendant 10 ans. Il ne les appelait qu'à cela. Et ensuite, quand il a émigré vers le Médina, vers Médine, il a continué à les appeler au tawhid. Il ne s'est pas dit, c'est bon, ils ont compris, ils ont atteint des niveaux très élevés dans la foi, dans la piété, dans la science. Ça suffit, on arrête, donc on se focalise sur autre chose. Non. Al-Nabi alayhi salatu wassalam, il a continué cette da'wah jusqu'à rencontrer Allah. C'est pour ça, parmi les dernières choses auxquelles il les a appelées, c'est la mise en garde contre l'associationnisme. Il a dit dans le hadith authentique, il a dit, La'natullahi ala al-yahoudi wa al-nasara, ittakhadhu quboura anbiya'ihim masajid. Il a dit que la malédiction d'Allah s'abatte sur les juifs et les chrétiens. Ils ont pris des tombes de leurs prophètes, des lieux de prière, des lieux de prière, c'est-à-dire des lieux d'adoration. C'est pour ça en islam, il ne peut jamais se réunir une mosquée, une tombe. Donc ça, c'est une petite introduction concernant la science ou le sujet par lequel l'imam Sa'di a commencé son poème pour comprendre pourquoi il a commencé par l'unicité d'Allah. Comme l'ont fait tous les prophètes d'Allah, alayhim salatu wassalam. Il a dit, rahimahullah, فَيَا سَائِلًا عَمْ مَنْهَجِ الْحَقِّ يَبْتَغِي سُلُوكَ طَرِيقِ الْقَوْمِ حَقًّا وَيَسْعَدُ تَأَمَّلْ هَدَاكَ اللَّهُ مَا قَدْ نَظَمْتُهُ تَأَمَّلْ هَدَاكَ اللَّهُ مَا قَدْ نَظَمْتُهُ تَأَمُّلَ مَنْ كَانَ لِلْحَقِّ يَقْصِدُ. Il dit, rahimahullah, ô toi qui demandes au sujet de la voie de vérité, ô toi qui demandes, il s'adresse à toi, mon frère, en Allah subhanahu wa ta'ala. Toi qui demandes la méthodologie de vérité, la voie de vérité. On entend tous parler de l'manhaj, al-manhaj. Ici, il va te détailler ce que c'est cette méthodologie de nos pieux prédécesseurs. Ô toi qui demandes au sujet de la voie de vérité en cherchant à emprunter la voie des meilleurs gens, en voulant le bonheur, en visant le bonheur. Donc, dans ce premier vers, il s'adresse à toi qui cherches à connaître la voie de la vérité. Pourquoi tu veux connaître la voie de la vérité? Regarde, là, il a mentionné la question la plus importante, la question de l'intention. Il a dit, en cherchant à emprunter la voie des meilleurs gens, en cherchant à emprunter, tu cherches à connaître la voie de la vérité pour la suivre. C'est pour ça ceux qui apprennent la vérité, sans vouloir la suivre, ça ne leur sera pas profitable. Comme ces orientalistes qui ont étudié l'islam en profondeur jusqu'à atteindre des niveaux de certains de nos savants de l'islam. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont entrés dans l'islam. Il y en a qui sont entrés et d'autres sont devenus parmi les pires ennemis de l'islam. Car quand l'intention est corrompue, quand l'intention n'est pas bonne, même en apprenant la vérité, ça sera pas en ta faveur. Donc, fais attention à cette intention avec laquelle tu apprends, avec laquelle tu assistes à une conférence, à un cours. L'intention, c'est de connaître la vérité pour la suivre. Et c'est ainsi que tu atteindras le bonheur. Ensuite, il a dit, « Ta'ammal hadaka Allahumma qad nazamtuhu. » Donc, si tu cherches la voie de vérité, la méthodologie de vérité de nos pieux prédécesseurs, la voie de vérité, elle est unique. Faut pas douter sur cela. La voie de vérité, elle est unique. C'est l'islam sur lequel était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses nobles compagnons. C'est ça l'islam qu'Allah a agréé pour nous comme unique religion. Comme a dit notre imam, l'imam Malik ibn Anas, « Man za'ama anna fi d-din bid'atan hasana, faqad ittahama Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bi khiyanati l'amana. Wa qra'u in shi'tum qawla Allah ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum l'islam dina. » ثم قال رحمه الله فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها رحمه الله. Il dit dans cette parole, celui qui prétend qu'il y a une bonne innovation dans la religion, dans les affaires mondaines, tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire. Tu veux manger avec ta main, mange avec ta main. Tu veux manger avec une cuillère, tu veux manger par terre, autour d'une table. Tout est autorisé. Mais dans le domaine de la religion, t'as pas le droit d'inventer quoi que ce soit comme adoration qui rapproche d'Allah. On ne peut se rapprocher d'Allah qu'avec ce que le prophète alayhi salatu wassalam a légiféré. Et si tu ne respectes pas ça, à quoi bon sert de dire « Ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah » Tu témoignes que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Cela comporte que les seules adorations avec lesquelles tu te rapproches d'Allah, c'est ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam t'a enseigné. Et tu dois te limiter à ça. C'est pour ça Sahaba radiyallahu anhum, ils ont compris ce principe. Ils étaient en garde contre les innovations dans la religion. Comme a dit Abdullah ibn Umar, kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, qu'Allah l'agré lui et son père et tous les compagnons de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit chaque innovation dans la religion est un égarement, quand bien même les gens la voient comme un bien. Oui, les gens, ils voient les innovations dans la religion comme un bien. Pourquoi? Parce que les innovations dans l'adoration, c'est des adorations en plus que le Nabi alayhi salam n'a pas pratiquées. Ni lui, ni ses compagnons, qu'il n'a pas enseigné. Donc c'est un plus. C'est pour ça les gens, ils le voient comme un bien. alors que la religion a été parachevée, a été complétée. Et il n'y a pas de place aux innovations dans la religion. Il suffit de suivre le prophète, alayhi salatu wassalam. C'est uniquement ça qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme a dit Hudhayfa ibn al-Yaman, كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. Chaque adoration qui n'a pas été pratiquée par les compagnons radiallahu anhum, ne la pratiquez pas. Et comme a dit Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. Suivez et n'inventez pas, car vous avez été suffi avec ce qui a été rapporté du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, je disais par rapport à cette parole de l'imam Malik, rahimahullah, celui qui prétend qu'il y a une bonne innovation dans la religion, alors il aura accusé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wasallam, d'avoir trahi l'amana, d'avoir trahi le message, et de ne pas avoir transmis tout ce que Allah lui a révélé. Car Allah lui a révélé tout ce qui le rapproche de lui. Et il nous a tout transmis. Et ensuite, il a dit, lisez si vous voulez la preuve dans la parole d'Allah. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. La religion, elle est complète. Elle est parachevée. Et j'ai accompli sur vous mon bienfait. Et je vous ai agréé l'islam comme unique religion. L'islam sur lequel était le prophète, alayhi salatu wassalam. Pas l'islam des innovations, de tout ce qui a été inventé après notre prophète, sallallahu alayhi wassalam. Et ensuite, il a dit, وَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَ إِذِنْ دِينًا فَلَنْ يَكُنَ الْيَوْمَ دِينًا. Ce qui n'a pas été une adoration à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, et de ses compagnons, il ne sera pas une adoration après eux. Et cette communauté ne sera réformée qu'avec quoi étaient réformés les premiers de cette communauté. C'est le suivi de la sunna, tout simplement. Ensuite, Cheikh Sa'di rahimahullah dit, تَأَمَّلْ هَدَاكَ اللَّهُ مَا قَدْ نَظَمْتُهُ. Médite et réfléchis qu'Allah te guide sur ce que j'ai écrit dans ce poème. Donc, si tu veux la voie de vérité, alors médite sur ce qui a été écrit dans ce poème. تَأَمُّلَ مَنْ قَدْ كَانَ لِلْحَقِّ يَقْصِدُ. Encore un autre rappel sur la bonne intention. Médite la méditation de celui qui veut vraiment la vérité. وَاللَّهِ ثُمَّ وَاللَّهِ. Celui qui vient vers Allah et qu'il implore et qu'il lui demande de le guider dans la voie de vérité, il sera guidé. Il sera guidé. Et il sera orienté vers la voie de la guidée. Donc, ce manhaj que Cheikh Rahimullah nous détaillera dans ce poème, c'est pas une simple prétention. Je suis le manhaj. Non. C'est une science et une mise en pratique. C'est l'attachement et le cramponnement à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, dans tous les domaines de la religion. À commencer par la croyance, par le dogme. Le domaine le plus important. Ensuite, les adorations. À commencer par les cinq piliers de l'islam. Et ensuite, dans le domaine des transactions, le commerce et ainsi de suite, et aussi dans le domaine du comportement et de la bonne morale. Donc, il faut qu'on soit dans le suivi de la sunna de notre prophète, alayhi salatu wassalam, et le prendre comme unique exemple et modèle dans tous les domaines de la religion. Comme l'étaient les imams de l'islam, comme l'imam Malik rahimahullah, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad ibn Hanbal, l'imam Layth ibn Sa'd, et ainsi de suite. Tous les imams de la Sunna, ils étaient sur cette voie-là. Qu'Allah leur fasse miséricorde à tous. Ensuite, il a dit, rahimahullah, نُقِرُّ بِأَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرُهُ إِلَهٌ عَلَى الْعَرْشِ الْعَظِيمِ مُمَجَّدُ. Nous attestons qu'il n'y a de Seigneur, nous attestons qu'il n'y a de souverain en dehors d'Allah. La divinité glorifiée, établie sur le trône sublime. Donc il a commencé par l'unicité d'Allah dans la seigneurie et son unicité dans la divinité. Comme vous savez, mes très chers frères, l'unicité d'Allah est de trois catégories. Et tu ne deviens un mouahid qu'en vérifiant ces trois catégories. L'unicité d'Allah qui signifie يعني dans la définition linguistique at-tawhid wahada yuwahhidu tawhidan, unifié, unicité, c'est de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala avec toutes nos adorations, que ce soit nos adorations physiques avec le corps comme salat et le jeûne, nos adorations avec l'argent, comme zakat, et les adorations qui sont composées des deux, comme le pèlerinage, où tu donnes de l'argent et tu fais des actes d'adoration. Donc, tu dois unifier Allah et lui vouer toutes tes adorations. Et l'unicité d'Allah est de trois catégories. L'unicité dans la seigneurie, qui consiste à attester qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans tous ses actes. Il est le seul créateur. Il est le seul pourvoyeur. Il est le seul roi subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la mort. C'est lui qui donne la subsistance. Le seul, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est l'unicité dans la seigneurie, qui est dans la parole de Cheikh. نُقِرُّ بِأَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرُهُ. Nous attestons qu'il n'y a de seigneur en dehors d'Allah. Ensuite, l'unicité d'Allah dans la divinité, qui consiste à vouer un culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, à vouer tout notre culte à Allah exclusivement, avec amour et dévotion et soumission. Et la troisième catégorie, c'est l'unicité d'Allah dans les noms et les attributs, qui consiste à affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala tous les beaux noms et les attributs sublimes par lesquels il s'est décrit dans le livre d'Allah et la sunna authentique de son noble messager alayhi salatu wassalam. Donc il a dit نُقِرُّ بِأَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرُهُ إِلَهٌ عَلَى الْعَرْشِ الْعَظِيمِ مُمَجَّدُ. Allah est l'unique divinité, la divinité de vérité. Ce qui est adoré sur terre, les divinités qui sont adorées sur terre sont très nombreuses. Mais la divinité, en vérité, la seule qui mérite l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah dit dans le Coran, « ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ. » Car Allah est la divinité en toute vérité, la seule qui mérite l'adoration. Et tout ce qu'ils invoquent, et tout ce qu'ils implorent, et tout ce qu'ils adorent en dehors de lui, c'est caduque. Donc, at-tawhid, c'est unifier Allah dans sa seigneurie, dans sa divinité et dans ses noms et ses attributs. croire qu'il est le seul qui mérite l'adoration et mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. La ilaha illallah comporte deux piliers, une négation et une affirmation. La négation, quand tu dis la ilaha, tu rejettes tout ce qui est adoré, illallah, à l'exception d'Allah. Donc, at-tawhid, il est composé de ces deux parties. Une négation et une affirmation. La négation de toutes les divinités et l'affirmation de l'adoration à la seule divinité qui mérite d'être adorée. Allah, il est le seul qui a créé. Le seul qui donne rizq. Le seul qui donne la vie. Le seul qui donne la mort. Le seul qui fait descendre la pluie. Le seul qui fait pousser la végétation. Donc, pourquoi on adore en dehors de lui? Et quand tu veux invoquer, oriente-toi vers Allah et invoque-le seul. Et n'invoque pas quelqu'un en dehors d'Allah. Car l'invocation, c'est l'adoration. Et vouer une adoration à autre qu'Allah, c'est de l'associationnisme majeur qui fait sortir de l'islam. Et dont la personne, si jamais elle ne se repent pas, pendant son vivant, car Allah est pardonneur, Allah est grandement pardonneur, il pardonne tous les péchés, y compris l'associationnisme, mais pendant le vivant de la personne. Si la personne, elle se repent à Allah, même de l'associationnisme majeur, après avoir adoré autre divinité en dehors de lui, elle se repent et revient à lui avec l'unicité, Allah lui pardonne. Et même il transforme ses péchés en des bonnes actions et efface tous ses péchés. Allahu Akbar. Mais il faut se repentir à Allah et revenir vers lui. Car après la mort, Allah ne pardonne jamais l'associationnisme majeur. Personne ne sera pardonné. L'associationnisme majeur après la mort, comme Allah l'a dit dans le Coran, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi » Allah ne pardonne pas qu'on lui donne d'associer après la mort. Mais pendant le vivant de la personne, Allah pardonne tous les péchés. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا Allah s'adresse à ses serviteurs qui sont tombés dans beaucoup de péchés. Et il leur dit de ne pas désespérer de sa miséricorde et de son pardon, car il pardonne tous les péchés pendant le vivant de la personne. Après la mort, l'associationnisme n'est pas pardonné. Et ça montre encore une fois, mes frères, l'importance de l'unicité d'Allah et de cette science et de l'apprendre, et le danger de l'associationnisme. Au point où Ibrahim, alayhi salam, Khalil al-Rahman, celui qui atteint le degré le plus élevé dans l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce degré n'a été atteint que par Ibrahim, alayhi salam, et Muhammad, alayhi salatu wa salam. Deux hommes seulement, qui sont arrivés au degré de Khalil, Khalilullah. Et malgré ça, quand il a vu l'associationnisme répandu sur terre et propagé, et que la plupart des gens sont tombés dans l'associationnisme, il a eu peur pour lui et pour sa descendance. Il a dit « Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam, rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas » Ou Allah, il demande à Allah de le préserver lui, ainsi que sa descendance, de l'adoration des idoles. Ibrahim al-Taymi, rahimahullah, parmi les tabi'in, quand il a lu ce verset, il a dit « Qui peut être à l'abri après Ibrahim alayhi salam ?» Donc, Allah subhanahu wa ta'ala est notre unique divinité. Il est glorifié et il est établi sur le trône réellement comme il convient à sa grandeur et majesté subhanahu wa ta'ala. Et ça, nous allons le voir plus en détail dans ce qui va suivre quand il parlera de l'unicité d'Allah dans les noms et les attributs. Ensuite, il a dit وَنَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ مَعْبُودَنَا الَّذِي نُخَصِّصُهُ بِالْحُبِّ ذُلًّا وَنُفْرِدُ Il a dit « Et nous témoignons qu'Allah est notre divinité notre unique divinité, notre unique adoré, à qui nous vouons exclusivement amour, humilité, et nous l'unifions, subhanahu wa ta'ala. فَلِلَّهِ كُلُّ الْحَمْدِ وَالْمَجْدِ وَالثَّنَى. À Allah appartient toute louange, glorification et éloge. فَمِنْ أَجْلِ ذَا كُلٌّ إِلَى اللَّهِ يَقْصِدُ. C'est pour cela tout se dirige vers Allah avec l'adoration. Donc il a parlé de des louanges qui sont adressées à Allah, Alhamd. Alhamd, c'est de citer les qualités de celui qui est loué avec amour et vénération. Avec amour et vénération. فَلِلَّهِ كُلُّ الْحَمْدِ وَالْمَجْدِ وَالثَّنَى. Ensuite, le majd, la glorification, c'est de citer ses attributs de perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala et de les multiplier, yani de les citer et de les détailler, les élargir. Et ensuite, Athana, c'est les éloges qui doivent être adressés à Allah subhanahu wa ta'ala, notamment en répétant ses louanges. Et ça, c'est la différence entre ces trois termes qu'on trouve dans Hadith Abi Hurayra radiallahu anhu, quand il a parlé de Surat al-Fatiha, quand le serviteur il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit Hamidani Abdi, mon serviteur a fait mes louanges, m'a loué. Et quand le serviteur il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala dit Athna alayya abdi, mon serviteur a fait mes éloges. Donc il a décrit, il a cité les attributs sublimes d'Allah. Et avec l'éloge, il les a répétés. Et quand le serviteur il dit Maliki yawmiddin, Allah dit mon serviteur m'a glorifié. Majjadani abdi. Ensuite, il a dit Tusabbihu al-amlak wal-ard was-sama wa kullu jami' al-khalq haqqan wa tahmadu. Tusabbihu al-amlak wal-ard was-sama وكل جميع الخلق حقا وتحمد. Il a dit Allah rend gloire, les anges, la terre et les cieux, ainsi que toutes les créatures, en toute vérité, et il le loue. Il loue Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Donc là, il a parlé de tasbih. At-tasbih, c'est de rendre gloire et d'attester la pureté d'Allah subhanahu wa ta'ala de tout défaut et manquement. Quand on dit subhanallah, ça c'est tasbih. Et tasbih, c'est un tanzih. C'est-à-dire, tu t'attestes et t'affirmes l'exemption d'Allah subhanahu wa ta'ala de tous les défauts et de tous les manquements. Et l'opposé de subhanallah, de tasbih, c'est alhamdulillah, at-tahmid. At-tahmid, c'est d'affirmer à Allah les attributs de la perfection et de la magnificence et de la grandeur et de la beauté. Gloire et pureté à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça ces deux paroles, ce sont parmi les paroles les plus lourdes dans la balance, car elles réunissent ces deux sens-là. At-tasbihu wa at-tahmid. Elles réunissent tanzih et وَصْفُ اللَّهِ بِالْكَمَالَاتِ. Et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit, ce sens-là, quand on dit Subhanallah. Subhanallah, tu purifies Allah subhanahu wa ta'ala de tous les manquements et de tous les défauts. Et d'ailleurs, Cheikh, rahimahullah, il va détailler cela dans les vers à suivre. Donc, tous les anges, ils font tasbih d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous, ils rendent gloire à Allah, les anges, la terre et les cieux, ainsi que toutes les créatures en toute vérité, subhanahu wa ta'ala. Comme Allah dit, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا وَيُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Il n'y a pas une chose qui ne rend pas gloire à Allah, subhanahu wa ta'ala, mais vous ne comprenez pas leur glorification. Mais vous comprenez pas leur glorification. Les pierres, les murs, les arbres, les animaux, même le kafir, il rend gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas d'une manière choisie sur laquelle il sera récompensé. Il le fait de la même manière que toutes les créatures. Mais at-tasbih qui sera récompensé, c'est tasbih du croyant qui glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit تَنَزَّهَ عَنْ نِدٍ وَكُفْءٍ مُمَاثِلٍ وَعَنْ وَصْفِ ذِي النُّقْصَانِ جَلَّ الْمُوَحِّدُ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit pureté à lui d'avoir un émule, c'est-à-dire d'avoir un antagoniste, un nid, l'émule, l'antagoniste. Pureté à lui d'avoir un émule ou un égal semblable. Et il est au-dessus de toute description comportant une diminution. Gloire à Allah l'unique. Donc là, il a expliqué ce que ça veut dire at-tasbih, la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'attester sa pureté. On atteste qu'Allah est exempt de deux choses. La première, dans la première partie du vers, tanazzaha 'an niddin wa kuf'in wa mumathilin wa kuf'in mumathilin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'égal, et n'a pas de semblable, et n'a pas d'antagoniste. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, وَعَنْ وَصْفِ ذِي النُّقْصَانِ جَلَّ الْمُوَحِّدُ. Comme il est, subhanahu wa ta'ala, on atteste sa pureté, et qu'il est au-dessus de toute description comportant une diminution. Donc, on purifie Allah subhanahu wa ta'ala de ces deux choses. La première, c'est d'avoir un antagoniste ou un égal ou un semblable. Personne ni rien n'est égal à Allah subhanahu wa ta'ala dans aucun de ses attributs. Comme bien même il peut y avoir une partie commune entre la créature et le créateur. La créature peut être généreuse et le créateur est le généreux par excellence. Donc la générosité de la créature, elle correspond à sa faiblesse et à son impuissance. Et la générosité du créateur correspond à sa grandeur et à sa majesté. La créature est généreuse avec ce que Allah lui a donné. Et c'est lui qui lui a permis cette générosité. Et c'est lui qui la rétribue sur cette générosité. Et cette générosité, elle est pendant sa durée de vie. Et elle est limitée. Quand tu reviens à la générosité d'Allah, la générosité par excellence, Allah est le généreux par excellence, subhanahu wa ta'ala. Le généreux absolu, subhanahu wa ta'ala. même s'il donne à toutes les créatures toutes leurs demandes, cela ne diminuera en rien les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et la richesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et les trésors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas de comparaison. Même s'il y a une partie du sens commune, mais quand on attribue la générosité à Allah, ça n'a rien à voir avec la générosité de la créature. Ce qu'il y a en commun, c'est le sens seulement. Mais la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala correspond à sa grandeur et sa majesté. Et la générosité de la créature correspond à sa faiblesse et à son impuissance. Et ça, tu peux l'appliquer à tous les attributs semblables à celui-là. Donc, on atteste la pureté d'Allah de ces deux points. Et c'est ça, tasbih. Ensuite, il a dit, وَنُثْبِتُ أَخْبَارَ الصِّفَاتِ جَمِيعَهَا. Nous affirmons tous les textes des attributs. Ça, c'est l'unicité d'Allah dans les noms et les attributs. Et c'est la règle de Al-Sunnah wal-Jama'a. Ils affirment à Allah tout ce qu'il s'est affirmé à lui-même dans le Coran ou par l'intermédiaire de son messager, alayhi salatu wassalam, dans la Sunnah authentique. Tout ce que Allah s'est attribué à lui-même, nous, on l'attribue à Allah. Réellement. Comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Subhanahu wa ta'ala. Il a dit, وَنُثْبِتُ أَخْبَارَ الصِّفَاتِ جَمِيعَهَا. C'est-à-dire, sans exception, nous affirmons tous les textes des attributs d'Allah. Et donc ça, c'est la méthodologie des gens de la vérité dans le domaine des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à ceux qui se sont égarés dans ce domaine, comme Al-Asha'ira, comme Al-Maturidiyya, comme Al-Mu'tazila, comme Al-Jahmiyya. C'est pour ça qu'il a dit ensuite, وَنَبْرَأُ مِنْ تَأْوِيلِ مَنْ كَانَ يَجْحَدُ. Et nous nous désavouons de la falsification de celui qui les renie. C'est-à-dire, on se désavoue de celui qui renie les noms et les attributs d'Allah. فَلَيْسَ يُطِيقُ الْعَقْلُ كُنْهَ صِفَاتِهِ فَسَلِّمْ لِمَا قَالَ الرَّسُولُ مُحَمَّدُ. Allahu Akbar. La vérité est claire et évidente. Et sur la vérité, il y a une lumière pour celui qui cherche cette vérité. Il a dit, فَلَيْسَ يُطِيقُ الْعَقْلُ كُنْهَ صِفَاتِهِ. Il a justifié pourquoi nous affirmons tout ce que Allah s'est affirmé à lui-même. Tout d'abord parce que Allah, il se connaît lui-même mieux que toute autre créature le connaît. Et aussi, de ces créatures, celui qui le connaît le mieux, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, فَلَيْسَ يُطِيقُ الْعَقْلُ كُنْهَ صِفَاتِهِ. Car la raison humaine ne peut atteindre la réalité de ses attributs. La raison humaine, elle peut comprendre le sens de l'attribut. Allah, Samir, c'est-à-dire, il entend. Il entend toute chose. Allah, Basir, il voit toute chose. Allah, Karim, il est généreux. Il donne sans compter. Et sans que cela ne diminue ses bienfaits. Donc on comprend le sens et la signification de l'attribut, mais la réalité de l'attribut, le comment de l'attribut, ça on l'ignore. Et ça c'est une règle dans tous les attributs d'Allah. On croit à leur sens et on croit que c'est réel. Et on croit que c'est réel comme il convient à sa grandeur et sa majesté à Allah subhanahu wa ta'ala, sans rentrer dans le comment. Ahl al-Sunnah wal-Jama'a ne rentre jamais dans le comment des attributs d'Allah. Comme a dit l'imam Malik quand il a été interrogé au sujet de l'établissement d'Allah, l'istiwa, l'établissement d'Allah au-dessus de son trône, il a dit al-istiwa, al-istiwa au ma'loum. L'istiwa, il est connu par les Arabes. Ils savent ce que ça veut dire istiwa. Istiwa, il s'est élevé au-dessus du trône réellement. Tout Arabe comprend cela. Il a dit al-istiwa au ma'loum. Wal-kayf au majhoul, mais le comment est ignoré. Wal-imanu bihi wajib. Et le fait d'avoir la foi en cet établissement d'Allah au-dessus de son trône, comme il convient à sa grandeur et sa majesté, est une obligation. Comment ça peut ne pas être une obligation alors que c'est cité dans plusieurs versets dans le Coran, 7 versets dans le Coran. Et ensuite, il a dit à celui qui a posé la question comment Allah s'est établi sur le trône, il lui a dit ta question est une innovation. Il a ordonné à ce qu'il soit puni, cet homme. Et avant de répondre, bien évidemment, l'imam Malik, il a baissé sa tête. Il est resté pendant un moment silencieux, car c'est une question immense. Il n'a jamais entendu cela avant. Quelqu'un qui demande au sujet du comment des attributs d'Allah. Sahaba radiallahu anhum, il comprenait le sens, mais il ne rentrait jamais dans le comment. Et ça, c'est une règle qu'on applique dans tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, car la raison humaine ne peut atteindre la réalité de ses attributs. Comment Allah est établi? Comment Allah entend? Comment Allah voit? Ça, c'est pas permis, c'est haram de poser ces questions. Mais, on doit comprendre ce que ça signifie, cet attribut. As-sam' al-basar, l'istiwa, l'ulou, l'élévation d'Allah. Allah est au-dessus de toutes ses créatures, subhanahu wa ta'ala, établi au-dessus de son trône, comme on a vu précédemment. Fasallim, lima qala al-rasul Muhammadu. Si la raison humaine ne peut atteindre la réalité des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, donc soumets-toi à ce que a dit le messager d'Allah, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, car il est des hommes, celui qui connaît le mieux Allah. Il est son messager. Il est celui qui transmet sa législation et sa religion. Alors soumets-toi à tout ce qu'il a rapporté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne rentre pas dans les égarements de ceux qui ont falsifié les attributs d'Allah ou qui les ont interprétés, une mauvaise interprétation sans fondement, ou ceux qui sont tombés dans l'anthropomorphisme ou qui ont cherché à donner un comment aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, c'est des voies d'égarement. Et la vérité, c'est d'affirmer tout ce que Allah s'est affirmé à lui-même et de croire que c'est réel comme il convient à sa grandeur et sa majesté et de ne pas dépasser ce stade-là. Et ça, c'est la voix des gens de la vérité dans ce poème. Donc, parmi ceux qui ont exagéré dans l'affirmation, jusqu'à donner à Allah des semblables, ce qu'on appelle « mushabbiha », ceux qui sont tombés dans l'anthropomorphisme, le premier qui est tombé dans cet égarement et dans cette innovation dans l'islam, c'est un homme qui s'appelle « Hisham ibn al-Hakam al-Rafidhi ». C'est quelqu'un parmi Rafida qui s'appelle Hisham ibn al-Hakam, et un autre qui s'appelle Bayyan ibn Sam'an al-Tamimi. Donc cet égarement, c'est ceux-là qui sont tombés, les deux premiers desquels a été rapporté cette innovation et cet égarement. Et d'autres, sous prétexte de purifier Allah, ils ont renier ses attributs. Et à leur tête, Al-Jahmiya. Et le premier duquel ça a été rapporté cette innovation dans l'islam, c'est un homme qui s'appelle Al-Ja'd ibn Dirham. Mais celui qui l'a propagé et auquel ça a été attribué, c'est un autre parmi ses élèves qui s'appelle Al-Jahm ibn Safwan. C'est pour ça qu'on les appelle Jahmiya. Et cet homme, il était très éloquent. C'est pour ça qu'il a propagé cette innovation. Donc ceux-là, ils ont renié tous les noms et les attributs d'Allah. Ils ont renié tous les noms et les attributs d'Allah. Et de cette secte, de l'Jahmiya, est née une autre secte qui s'appelle Al-Mu'tazila. Qui s'appelle Al-Mu'tazila. Et ceux-là, ils ont renié tous les attributs d'Allah. Et ils ont affirmé les noms d'Allah, mais sans leur donner de sens. Sans leur donner de sens. Et aussi parmi ceux qui sont tombés dans ce reniement des attributs d'Allah, un reniement partiel, Al-Asha'ira, Al-Maturidiyya, Al-Kullabiyya. Ils ont affirmé les noms d'Allah et certains de ses attributs seulement. Et même ces attributs qui ont été affirmés, dans la plupart, ils n'étaient pas affirmés comme Al-Sunnah ou Al-Jama'a les ont affirmés. Toujours dans le domaine des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Cheikh, il est passé à citer quelques noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, هُوَ الصَّمَدُ الْعَالِي لِعِظْمِ صِفَاتِهِ هُوَ الصَّمَدُ الْعَالِي لِعِظْمِ صِفَاتِهِ وَكُلُّ جَمِيعِ الْخَلْقِ لِلَّهِ يَصْمُدُ. Il est le maître par excellence, le très haut, pour la grandiose et la magnificence de ses attributs. Donc il a cité le nom d'Allah, As-Samad. Et ça c'est parmi les noms d'Allah qui comportent énormément de sens. On ne peut pas le traduire par un seul mot. C'est pour ça le nom d'Allah, As-Samad, il nous indique deux choses. Qu'Allah est immense dans ses attributs, il est parfait dans ses attributs, il a atteint le summum dans la perfection de tous les attributs. Ça c'est le premier point. Et le deuxième, qui est comme un résultat du premier, c'est que toutes les créatures se dirigent vers lui et s'orientent vers lui pour obtenir leurs demandes et leurs besoins. Donc ça c'est, yani, d'une manière résumée, le sens du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, As-Samad. As-Samad, comme a été rapporté de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, c'est le maître par excellence qui a atteint le summum de la perfection de tous ses attributs. Il a dit, huwa as-samad al-ali. Il est as-samad et il est al-ali aussi. Ça, c'est un autre nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est élevé. Le très haut et l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala est de trois catégories. Et Ahl-Sunnah wal-Jama'a, ils les affirment tous. Ils les affirment tous. L'élévation de son essence au-dessus de son trône subhanahu wa ta'ala et au-dessus de toutes ses créatures. Donc ça, c'est l'élévation de l'essence. La deuxième catégorie, c'est l'élévation du statut d'Allah et de son estime. Et la troisième, c'est l'élévation de sa domination de toutes ses créatures. Et ça, il l'a dit dans les vers à suivre, il a expliqué la signification de l'élévation d'Allah et ses trois catégories. Il a dit, Aliyun ala dhatan wa qadran wa qahruhu qaribun mujibun bil wara mutawaddidu. Il est le Très-Haut, élevé par son essence et son statut, c'est-à-dire son statut estime et sa domination. Il a dominé toutes ses créatures et elles sont toutes sous sa volonté, sous sa domination. Qaribun mujibun Bilwara mutawaddidu, très proche, tout en étant très élevé, au-dessus de toutes ces créatures, il est proche d'eux. Et ne compare pas Allah à ces créatures. Comment il peut être très haut et proche? Ne rentre pas dans le comment. Sache qu'Allah est réellement très haut, au-dessus de toutes les créatures. Et tout en étant très haut, subhanahu wa ta'ala, il est proche de ses serviteurs. Il les entend. Il entend tout ce qu'ils disent. Il voit tout ce qu'ils font, ce qu'ils montrent et ce qu'ils cachent, même ce que décèle leur poitrine, subhanahu wa ta'ala. Rien n'échappe à sa vigilance, ni à sa science, subhanahu wa ta'ala. Il est l'omniscient. Qaribun, mujibun, il exauce leurs invocations. Bilwara mutawaddidu, et il se fait aimer par ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui se passe de toutes ses créatures, celui qui se suffit à lui-même, et malgré cela, il se fait aimer de ses créatures avec ses bienfaits et avec tout ce qu'il leur accorde. Subhanahu wa ta'ala. Il se fait aimer par ses créatures aussi par sa bonté et sa bienfaisance, malgré qu'il peut y avoir parmi ses serviteurs le désobéissant, celui qui est négligent, qui manque à ses devoirs vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui tombe dans ce qu'il a interdit. Il se fait aimer par ses créatures subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit, en citant d'autres noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى وكل صفات الحمد لله تسند. Il est l'éternel vivant, le veilleur sur toutes choses, le généreux et riche par excellence. Et tous les attributs de louange lui sont attribués. Tous les attributs de louange appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc ici est cité le nom d'Allah, Al-Hayy, le vivant, l'éternel vivant, qui a la vie parfaite. Et l'attribut de la vie est un attribut de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il est le vivant par excellence. Et Ahl al-Sunnah wal Jama'a, ils croient qu'Allah est le vivant, qui ne connaît pas la mort, et que toutes les créatures dans ce bas monde et dans le monde du ciel goûteront à la mort, car il a la vie parfaite et la vie absolue. Subhanahu wa ta'ala. La vie qui n'a pas connu de début et qui ne connaîtra pas de fin. Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même. Al-Qayyum, celui qui veille sur toute chose, subhanahu wa ta'ala. Ces deux noms d'Allah, Al-Hayy Al-Qayyum, ça a été rapporté que c'est Ismullah Al-A'zam. Ismullah Al-A'zam. Le nom d'Allah le plus beau et le plus magnifique et le plus grand, avec lequel, si jamais il est invoqué, il exauce, subhanahu wa ta'ala, le serviteur, Al-Hayy Al-Qayyum. Et tous les attributs d'Allah et tous ses noms reviennent à ces deux noms, Al-Hayy Al-Qayyum. Car tous les attributs d'Allah sont de deux catégories. Des attributs de l'essence d'Allah ou des attributs des actes d'Allah. Donc tous les attributs de l'essence d'Allah reviennent à l'attribut de l'éternel vivant, Al-Hayy. Et tous les attributs de l'acte d'Allah subhanahu wa ta'ala reviennent à Al-Qayyum. C'est pour ça que ça a été rapporté que c'est Ismullah Al-A'zam. Que quand il est invoqué avec ce nom, il exauce le serviteur. وكل صفات الحمد لله تسند tous les attributs de louange et de perfection appartiennent à Allah seul. Ensuite, il a cité un autre nom d'Allah et un autre attribut, car de chaque nom, on tire un attribut. Du nom d'Allah al-Hayy, nous tirons l'attribut de l'Hayat, le vivant, du vivant, du nom d'Allah le vivant, on a l'attribut de la vie, qui est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبد. Allah cerne toutes choses par sa science et son omnipotence. Il cerne, subhanahu wa ta'ala, toutes choses par sa science et par son omnipotence et par sa bonté et sa bienfaisance, subhanahu wa ta'ala. C'est lui seul que nous adorons. C'est lui seul que nous adorons. Donc ça, c'est parmi les noms d'Allah, Al-Muhit, celui qui cerne toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Il voit ce qui est apparent et ce qui est caché. Il voit toutes choses de ses serviteurs, ce qu'il montre et ce qu'il cache. Et dans ce vers, il a cité les trois catégories de l'ihata d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a cerné toutes choses par sa science, ça c'est la première catégorie. Allah cerne toutes choses par sa science, car il est l'omniscient. Et la deuxième catégorie, il a cerné toutes choses par son omnipotence, car il est celui, l'omnipotent, capable de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Et la troisième catégorie, il a cerné toutes choses par sa bonté et sa bienfaisance. Et ensuite il a dit, فَإِيَّهُ نَعْبُدُ. Comme dans surat al-Fatiha, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. Le style qui est utilisé ici, c'est un style arabe pour montrer l'exclusivité de l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le seul auquel on doit vouer toutes nos adorations. N'invoque personne en dehors d'Allah. N'invoque pas ni les vivants ni les morts. Invoque le vivant éternel. Invoque Allah qui détient les trésors de toutes choses dans sa main, subhanahu wa ta'ala. Le mort a besoin que tu invoques Allah en sa faveur. Et non pas que tu l'invoques. Wallahi, il n'y a pas plus faible qu'une créature qui se dirige vers une créature. Et pire encore, cette créature qui est morte dans sa tombe ou dans un soi-disant mausolée. Qu'est-ce qu'elle peut t'apporter? Elle ne t'entend pas. Innaka la tusmi'ul mauta. Le mort n'entend pas. Même le prophète, alayhi salatu wassalam, tu vas devant sa tombe, il t'entend pas, tu lui dis salamu alaykum ya Rasulallah. Tu pratiques cette sunna, il t'entend pas directement. Allah a créé des anges qui ont été chargés de lui transmettre ton salam. Ton salam est transmis au prophète, alayhi salatu wassalam, que tu sois à côté de sa tombe, ou que tu sois aux États-Unis, au Maroc, au Sénégal, partout où que tu sois dans le monde. Car il t'entend pas directement. Il est passé dans un autre monde, le monde intermédiaire entre le bas monde et le monde de l'au-delà. Mais Nabi alayhi salam, il est vivant dans sa tombe, une vie qui correspond à ce monde, et non pas une vie comme la vie que nous on a. Lui, ainsi que tous ses frères parmi les prophètes et les messagers alayhi salatu wassalam, et les martyrs également. Comme Allah nous a dit dans le Coran. Mais, il t'entend pas. N'invoque pas un mort. Invoque Allah en sa faveur. Ne demande pas un mort. Demande à Allah. Donc, Donc il a dit Iyyaka na'budu, comme dans sourate Al-Fatiha. C'est toi seul que nous adorons. C'est-à-dire, on n'adore personne en dehors de toi. On t'adore seul et on mécroit en tout ce qui est adoré en dehors de toi, ya Allah. Et c'est ça le muwahhid. Et c'est ça le tawhid. Ensuite, il a dit, وَيُبْصِرُ ذَرَّاتِ الْعَوَالِمِ كُلَّهَا وَيُبْصِرُ ذَرَّاتِ الْعَوَالِمِ كُلَّهَا وَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ الْعِبَادِ وَيَشْهَدُ. Il voit toute molécule dans les mondes, pluriel du monde, car il y a plusieurs mondes. Le monde des animaux, le monde des oiseaux, le monde des poissons, le monde sur cette terre, le monde des insectes, le monde des anges. Donc Allah, il voit toute molécule dans tous ces mondes-là, quand bien même elle est petite. Al-dharra, là, Cheikh, il a dit, al-dharra, comme dans le Coran. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Celui qui fait une œuvre ne serait-ce que du poids d'une dharra. Al-dharra, c'est la toute petite fourmi. Et ça a été rapporté que al-dharra, c'est une graine de poussière qui a un poids très très faible, insignifiant. Que ce soit la toute petite fourmi ou la graine de poussière. C'est comme ça qu'a dit Al-Hafid ibn Hajar dans Fath al-Bari. Donc, al-dharra, c'est ça qui est visé par al-dharra dans les textes. Comme bien même aujourd'hui, on appelle l'atome d'une molécule, on l'appelle l'atome al-dharra. Ça, c'est une appellation nouvelle. Mais c'est pas ça qui était visé dans les discours religieux, dans le Coran et dans la Sunna. Car Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à son prophète et aux musulmans avec ce qu'ils comprennent. Et ce qu'ils comprenaient par dharra, c'est ce qui a été cité maintenant. Donc c'est ça qui est voulu ici également. Allah y voit toute molécule dans les mondes, toute petite chose, la petite fourmi ou la poussière, il voit tout ça, subhanahu wa ta'ala, comme il entend les voix de tous les serviteurs, subhanahu wa ta'ala. Donc il a cité deux noms d'Allah, le nom al-Basir, celui qui voit toutes choses, et le nom d'Allah al-Sami', celui qui entend toutes choses. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, il voit par-dessus ses sept cieux. Il voit les traces de pas de la toute petite fourmi noire dans une nuit obscure sur une pierre lisse. Et il voit aussi la circulation de ce que cette toute petite fourmi dans cette nuit sombre et obscure, il voit quand elle mange, la circulation de ce qu'elle mange dans ses veines et comment ça circule dans son corps. Allahu Akbar. Rien n'échappe à la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rien n'échappe à lui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il entend toutes choses, il voit toutes choses. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est connu l'histoire de notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée. Quand elle a rapporté l'histoire de Khawla bint Tha'laba radiyallahu anha, cette femme qui est venue auprès du messager d'Allah alayhi salatu wa salam, elle était dans la pièce de Aïcha radiyallahu anha, et elle a commencé à se plaindre de son mari, au sujet de laquelle a été révélée sourate al-Mujadila, ou al-Mujadala. Donc, cette sahabiya qu'Allah l'agrée est venue, et elle parlait au prophète, alayhi salatu wassalam, d'une manière discrète. au point où Aïcha radiallahu anha, qui était dans la même pièce, elle n'entendait pas ce qu'elle disait. Et dans certaines versions, beaucoup de ce qu'elle disait lui échappait. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla a révélé le verset, قَدْ سَمِعَ اللَّهُ الْآيَةَ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا. Donc Allah a entendu ce qu'elle disait au-dessus de ses sept cieux, subhanahu wa ta'ala. Et Aïcha a dit, تَبَارَكَ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ كُلَّ شَيْءٍ. Elle a dit, gloire et pureté à celui dont celui qui entend toute chose, subhanahu wa ta'ala. Toujours parmi les attributs d'Allah, il poursuit en disant, لَهُ الْمُلْكُ وَالْحَمْدُ الْمُحِيطُ بِمُلْكِهِ وَحِكْمَتُهُ الْعُظْمَى بِهَا الْخَلْقُ تَشْهَدُ. À Allah appartient la royauté et les louanges. Il cerne toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Et il cerne tout son royaume, subhanahu wa ta'ala. Et sa sagesse absolue, de laquelle témoignent toutes les créatures. Donc, Allah, parmi ses noms, Al-Malik, Wal-Malik, le souverain, le roi par excellence, et aussi, parmi ses attributs, il a dit وَالْحَمْدُ الْمُحِيطُ بِمُلْكِهِ. Les louanges et la royauté appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hakim. Al-Hakim, tiré de la sagesse ou du jugement. Et les deux sens sont voulus vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hikma, la sagesse, le fait de placer chaque chose à la place qui lui convient. Ça, c'est la sagesse. Et toutes les créatures témoignent de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les louanges d'Allah atteint là où son royaume arrive, c'est-à-dire ses louanges englobent tout son royaume. C'est pour ça souvent ces deux attributs sont cités ensemble. Et la signification du nom d'Allah, Al-Malik, ou de l'attribut de l'mulk, la royauté, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala gère toutes ses créatures en donnant existence et en faisant disparaître ce qu'il veut, en accordant la santé, la maladie, la subsistance, appauvrir celui qui veut, accorder la sécurité, la sûreté et la peur et la panique à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est lui qui gère toute sa création conformément à sa sagesse absolue. Donc la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans ses actes et c'est dans sa législation. Subhanahu wa ta'ala, sa législation comporte la sagesse absolue. Et c'est pour ça, à chaque fois que vous méditez sur une législation de l'islam, vous trouvez la sagesse absolue. Chaque législation de l'islam, quand vous la méditez, vous trouvez la perfection de la législation. Et ceci n'est pas étonnant, car c'est la législation d'Allah. Et elle n'est pas comme la législation et comme les lois des hommes, dans lesquelles on trouve toujours des failles et on trouve toujours le moyen de les détourner et de les orienter pour l'intérêt d'une personne ou d'une autre. Le dernier vers avec lequel nous allons terminer, inshallah ta'ala, pour laisser ce qui reste à nos frères, c'est le vers dans lequel il a dit وَنَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِي الدُّجَى كَمَا قَالَهُ الْمَبْعُوثُ بِالْحَقِّ أَحْمَدُ. Et nous attestons, nous croyons qu'Allah descend dans la nuit. كَمَا قَالَهُ الْمَبْعُوثُ بِالْحَقِّ أَحْمَدُ. Comme l'a dit l'envoyé avec la vérité, Ahmed. Donc ici, il a abordé un autre attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les attributs auxquels croit Ahl-Sunnah wal Jama'a, la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le ciel du bas monde, chaque nuit, dans la troisième partie de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala descend comme il convient, descend réellement, comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Ne t'imagine pas la descente de la créature. La descente d'Allah est réelle, mais comme convient à sa grandeur et sa majesté. Et il t'a dit de croire en cela, de croire qu'Allah descend dans le troisième tiers de la nuit, réellement. Il t'a montré que c'est ça la voie des gens de la vérité. Il croit à ce nuzul, comme l'a dit l'envoyé avec la vérité, Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait allusion à ce hadith qui a été rapporté d'une manière mutawatir du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il a été rapporté d'un grand nombre de compagnons et de du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et de ses compagnons l'ont rapporté un grand nombre de tabi'in et ainsi de suite, génération après génération. Ça, c'est le hadith qu'on appelle mutawatir, dont on n'a pas besoin de chercher de son authenticité, car son tawatur suffit pour affirmer son authenticité. Et c'est le degré le plus fort de l'authenticité. C'est ce qu'on appelle hadith mutawatir. Donc ce hadith, il a atteint ce degré-là. Il a été rapporté d'une trentaine de compagnons, radiyallahu anhum, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. Donc Allah subhanahu wa ta'ala descend vers le ciel du bas monde dans chaque nuit quand il reste le troisième tiers de la nuit. Il dit, qui me demande et je l'exauce? Qui m'invoque et je l'exauce? Qui me demande et je lui accorde? Et qui me demande pardon et je lui pardonne? Donc ça c'est chaque nuit. Chaque nuit, Allah subhanahu wa ta'ala descend dans le troisième tiers de la nuit réellement, comme il convient à sa grandeur et sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Il dit cela jusqu'au lever de l'aube. Ila tulu' al-fajr. C'est pour ça, c'est la meilleure période pour faire qiyam al-layl, pour faire la prière de nuit. C'est le meilleur moment. Le troisième tiers de la nuit, ne serait-ce que 10 minutes, ou 5 minutes, ou un quart d'heure, tu te lèves dans la troisième partie de la nuit, si cela est possible. Et si tu as des difficultés, commence par te lever, par faire cette salat directement après l'Isha. Et retarde-la petit à petit, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala te facilite de le faire, vers, yani dans la troisième partie de la nuit, la partie dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala descend réellement, comme il convient à sa grandeur et sa majesté, dans le ciel du bas monde, c'est-à-dire le premier ciel. Car le nombre des cieux est de 7. Le ciel du bas monde, et ce que nous voyons, c'est pas ça le ciel. Ça, c'est la décoration, c'est l'embellissement de ce premier ciel. Personne ne peut traverser le premier ciel. Même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la nuit de l'ascension, il n'a pu traverser le premier ciel jusqu'à ce que l'ange chargé de la porte de ce premier ciel a demandé à Jibril alayhi salam par qui il était accompagné. Et quand il lui a dit que c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, est-ce qu'il a la permission d'Allah? Il a dit oui. Et là, il lui a ouvert la porte. Donc tout ce que vous voyez, cet univers, comme certains scientifiques, ils disent, il est sans fin. Nous, on sait qu'il a une fin. Que eux, ils ne connaissent pas, ils ignorent. La science, comme bien même elle a évolué, la science mondaine, je parle de la science mondaine, comme bien même elle a évolué, elle reste très limitée. On ne connaît même pas comment fonctionne notre système immunitaire. On ignore beaucoup de choses en lien avec l'être humain lui-même. C'est pour ça, Cheikh, il t'a dit dans ce poème que la raison humaine ne peut pas atteindre beaucoup de choses. Quelle est la réalité de l'âme? L'âme, cette âme que chacun de nous a, on ne connaît pas comment elle est réellement. Et si on te dit, yani l'âme, si on te parle aussi des anges, il y a un ange qui a 600 ailes, l'ange Jibril alayhi salam. Comment ces ailes sont placées? Est-ce que tu peux le réaliser? On passe à quelque chose d'inférieur. Un ange qui a 3 ailes. Comment ces ailes seront placées? On ignore tout ça. Et on ne peut pas s'imaginer tout ça. Comme j'ai dit, le système immunitaire, le courant électrique. On sait qu'il y a un courant. Quand il n'y a pas de courant, la lumière n'est pas allumée. Mais c'est quoi la réalité de ce courant électrique? Et ainsi de suite. Beaucoup de choses qu'on voit et qui sont dans notre quotidien, et pourtant on ignore leur réalité. Alors comment on va cerner la réalité des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour ça le devoir du musulman, c'est de désespérer, comme a dit Cheikh Al-Amin Shingiti rahimahullah, affirmer à Allah ce qu'il s'est affirmé à lui-même, dans le Coran et dans la Sunna. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'affirmer l'exemption d'Allah de tous les défauts et de tous les manquements. L'affirmation de ce qu'il s'est attribué à lui-même et la négation de tout ce qu'il a nié, subhanahu wa ta'ala, de lui-même. Et la troisième chose, c'est de désespérer de pouvoir atteindre la réalité de ses noms et ses attributs. C'est avec ces trois choses-là que tu arrives à la pratique de l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs comme il convient. Comme a dit l'imam Zuhri, rahimahullah, parmi les shuyukh de l'imam Malik, il a dit, « Min Allah al-risala, wa ala al-rasul al-balagh, wa alayna al-taslim. » Le message provient d'Allah. Et le messager, il transmet. Et nous, on se soumet. Et on accepte. Ce qu'on arrive à comprendre avec notre raison, on le comprend. Et ce qu'on n'arrive pas à atteindre avec la raison, on se soumet. Et on y croit. Et ça, c'est des règles de Al-Sunnah wal-Jama'a. Dans la religion, qui sont très importantes et auxquelles il faut s'attacher, tout en restant derrière nos savants parmi Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire vivre sur le tawhid pur et de nous faire mourir dans le tawhid pur et de nous faciliter l'attachement à la sunnah de notre prophète bien-aimé et de nous accorder sa science et sa bonne compréhension et de nous faciliter sa mise en pratique. À ce qu'on prenne notre prophète alayhi salatu wassalam comme exemple et modèle dans tous les domaines de la religion, dans la croyance, dans les adorations, dans le bon comportement, et ainsi de suite. Voilà mes frères, nous allons nous arrêter ici. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous la science bénéfique et profitable et de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables et de nous accorder la sincérité dans tout ce que nous disons et nous faisons et le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Et je tiens à remercier mes frères qui ont organisé ce séminaire et qui nous ont permis cette participation que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle nous soit bénéfique à nous ainsi qu'à nos frères dans ce pays qu'on aime énormément. C'est ce pays du Sénégal parmi les pays de Ahl Sunnah wal Jama'a, parmi les pays de l'Islam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.